Chapitre 5e. À la suite d'un fâcheux quiproquo qui lui valut la bastonnade, 8 jours de galère et quelques pièces d'argent comme indemnité, Scaramouche put remplacer la friperie de l'aubergiste par un vêtement plus convenable et se rendit à Fano, petite ville de la Romagne. Le premier jour, son temps fut agréablement employé à visiter, dans cette petite cité de quelques milliers d'âmes, un nombre considérable d'églises et de couvents. Mais ventre affamé, n'a pas plus d'yeux que d'oreilles. Le lendemain, Scaramouche eut donné pour un plat de macaroni la muraille en briques dont la ville est sainte, l'arc de triomphe érigé en l'honneur d'Auguste et toutes les peintures de la cathédrale. Après avoir payé de sa dernière monnaie un fort maigre déjeuner, il se mit à envisager, non sans pousser de profonds soupirs, la vie de cruelle abstinence qui allait forcément commencer pour lui. Son cerveau, si fertile en expédients, ne lui suggérait aucun moyen d'écarter ce calice d'amertume, lorsque son attention se prêta machinalement d'abord, puis avec le plus vif intérêt, à l'entretien de 2 bourgeois qui devisaient de comédie et de comédiens. La troupe qui desservait Fano était, disait-il, en plein état de désorganisation et tous les membres en allaient être réduits à la plus profonde misère. Que lui manquait-il ? Un talent, ce qu'on nomme aujourd'hui une étoile. Perdios, fit Scaramouche, à qui vint une inspiration subite, voilà mon affaire. Ces pauvres gens ne mourront pas de faim, ni moi non plus. Chose étrange que le hasard. Que notre héros eût été absorbé par la digestion d'un copieux repas ou que les 2 bourgeois eussent choisi un autre endroit pour leur conversation, Tiberio Fiorelli serait resté Tiberio Fiorelli comme devant, et le fameux comédien Scaramouche n'aurait pas été, durant 60 années, la gloire du théâtre en Italie et en France. Tiberio n'avait de sa vie eu l'idée de monter sur un théâtre, ni de réciter le moindre bout de rôle. Cela ne l'empêcha point d'aller se présenter aux comédiens avec la confiance d'un homme qui aurait vieilli dans le métier. Les comédiens le reçurent avec joie, raconte Constantini, et lui demandèrent quel rôle il prétendait jouer. Il leur répondit qu'il jouerait le comique sous le nom de Scaramouche et qu'il s'habillerait de telle et telle manière. Ils trouvèrent autant de bizarreries dans le nom que dans l'habit, et c'était avec raison que ce personnage leur parut extraordinaire, puisque Scaramouche a été, dans son genre, un original qui n'a point eu de copie jusqu'à présent et qui n'en aura peut-être jamais. On lui demanda encore dans quelle pièce il voulait jouer. Il choisit le Festin de Pierre, qu'il estimait sur toutes les autres comédies à cause du repas qu'on y fait. Cette pièce fut donc annoncée avec un acteur nouveau. La curiosité y attira une grande foule, et Scaramouche, ayant parfaitement réussi dans le cours de la pièce, fit encore si bien son devoir au repas qu'il pensa crever au milieu des applaudissements. Telle fut l'entrée de notre héros dans la carrière. Le succès fut si fructueux que dans la seconde représentation, au lieu des œufs durs dont il lui avait fallu se contenter à la première, il émerveilla les spectateurs en dévorant un gros poulet d'Inde, 2 perdreaux et une tourte de pigeonneaux. Bref, le public afflua dans la salle, la caisse se remplit, les comédiens firent honneur à leurs affaires et Scaramouche, dont la réputation grandit de jour en jour, ne se vit plus exposé à souffrir d'une abstinence pour laquelle ne l'avait point fait la nature.